Bonsoir chers amis, vous allez bien? C'est dimanche soir, vous êtes sous vibration, vous êtes bien. Et l'émission Milky Ways va débuter, nous sommes ensemble de 21 à 22h. Toujours le Raph au micro. Et cette semaine, c'est Banish qui va faire chauffer les platines. Nous débutons l'émission avec le premier morceau de la sélection de Banish. C'est le dernier morceau de la révélation techno. J'ai nommé Recondit, sorti sur le label Hot Flush, et le titre c'est Caldera. On écoute ça. Caldera et Recondit, on passe à l'artiste Dordrit Rome avec le morceau rétro à ne pas manquer, le fameux Hallebop, et c'est un remix signé Cavan. Toujours sur Vibration avec Banish, on va écouter l'un des premiers morceaux de Constantin Siebold. Il s'agit de Matze P sur le label Snork Enterprise. Dans la foulée, on va écouter Does It Rise avec So Good, un des meilleurs remixes de Silky et Johnny Cruz. À écouter. Milky Way. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Voilà, c'était Dozy Grise avec So Good. Juste avant, nous avions écouté Constantin Siebold avec Matt Seppé. On va maintenant découvrir Ozzy Hartane avec un morceau de son premier album sorti sur Terracotta, une révélation. Le titre s'appelle Bursting. C'était Ozzy Hartane avec Bursting. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. Le prochain artiste s'appelle Louis Fresco. C'est un Talk Frogger remix et le titre c'est So Good Interlude. We'll be right back. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Alors, après Louis Fresco et son So Good Interlude, on passe à Ilke Kaline, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre sur Milky Waves. Ici, il nous revient avec le premier morceau, en fait. C'était le premier morceau d'Ilke Kaline. Ça s'appelle Time for Nosy. C'est sorti sur le fabuleux label Manual Music. On écoute ça. Milky Waves. Ilke Kaline avec Time for Nosy. Vous nous écoutez toujours sur Vibration 107.2 Bruxelles ou Vibration.fm évidemment, émission Milky Ways avec Laura Femicro et cette semaine Banish au platine. Et le morceau suivant de la sélection de Banish, c'est Luciano Pizzella avec Pavlov Said. C'est un morceau déjà un petit peu ancien mais qui est toujours excellent. nous sommes déjà à la moitié de notre émission Milky Waves. On vient d'écouter Luciano Pizzella avec Pavlov Said. On va tout de suite découvrir le dernier morceau ou un des derniers morceaux d'Adriatic avec un esprit plus dark. Sorti sur le label City Fox, il s'agit de Space Knights. Space Knights avec un K comme les chevaliers de l'espace. Les chevaliers de l'espace Space Knights d'Adriatic, on passe à Pete Oak avec le titre qui s'appelle Tranquilla, et c'est un remix d'Ahu, D-A-H-U. On écoute ça. C'était Tranquilla de Pete Oak, un Dahu remix. À suivre Guy Borato avec Mr. Dikai, toujours sur Milky Waves, c'est parti. We'll be right back. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. C'était Cree Borato avec Mr. Dikai. À suivre, Arion avec deux A. Le titre c'est Fairy Tales et c'est un Animal Picnic Edit. Ensuite nous retrouverons Panpot. Panpot qu'on a déjà eu l'occasion aussi d'écouter sur Milky Waves. Cette fois-ci le titre c'est Cells et c'est un Beyond Space remix de nos membres Groove Jesus, Jason Heat et Banish. Banish qui fait le remix présent. On écoute tout ça. Alors, nous avons écouté dans l'ordre Aerion avec Fairy Tales, Animal Picnic Edith, et puis Panpot avec Cells. C'était un Beyond Space remix, et le résultat du contest de Panpot, c'est que Beyond Space, nos trois amis, j'ai nommé Groove Jesus, Jason Heat et Banish, ils joueront le 29 novembre à Dunkerque, en France évidemment, à l'Inox Club, donc le 29 novembre, notez-le. À suivre le tout nouveau morceau de l'italien Lehar, L-E-H-A-R, du tout bon. Le titre s'appelle Sargas. Milky Way. C'était Sargas de l'artiste Lehar. Alors, nous allons bientôt devoir nous quitter. Comme dernier morceau, nous avons droit à un remix inédit du Belge Locked Groove. Il s'agit de Maat, M-A-A-T. Milky Way. We'll be right back. Voilà, c'était Matt, le remix inédit du belge Locked Groove. Voilà, c'était le dernier morceau de la sélection de Banish pour ce dimanche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même endroit, même heure, 21h, avec toujours le Raph au micro. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye!